إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 26 dans l'explication du livre الأدلة الشرعية لكشف التلبيسات الحزبية على المجتمعات الإسلامية. Et c'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et on a donné le titre à ce cours comme en français, les méfaits de la démocratie. Donc on est rendu au cours 26 et on est dans le chapitre où le Cheikh répond aux arguments des hizbiyyins lorsqu'ils essaient de dire par exemple qu'ils peuvent utiliser la démocratie comme un moyen pour établir la charia dans les pays musulmans. Donc nous on va répondre maintenant à certains points parmi les points qui sont mentionnés. Jusqu'à maintenant on a réfuté 15 parmi leurs arguments ou 14 parmi leurs arguments et aujourd'hui on va commencer le 15e. قولهم أن النظام الديمقراطي الحر أفضل لنا من الدكتاتوري مع أنه قد فرض علينا شيئا أم شئنا أم أبينا وما دام كذلك فلما لا نتبناه ولو مرحليا ونستغله لصالح المسلمين والعمل الإسلامي. Donc c'est quoi cet argument là? C'est lorsqu'ils disent que le système démocratique libre est meilleur pour nous que le système dictatorial. Et ils disent que même si le système démocratique a été imposé aux musulmans, ils disent que, étant donné qu'il a été imposé, pourquoi pas dans ce temps-là, ou pourquoi pas dans ce cas-là, l'utiliser et yani, s'en servir, hein, et adapter ce système-là, même si c'est pour le faire comme pendant une étape ou pour un certain moment, pour l'utiliser pour le bien des musulmans et pour l'activité islamique ou le travail islamique. Et le Cheikh il répond à cet argument-là de la part de ces gens-là. Il dit Ar-raddu min wajhayn. On leur répond de deux points de vue ou de deux façons. Awwalan qawluhum inna an-nizam ad-demokrati afdalu min an-nizam ad-diktatori. Premièrement, on va répondre à la première partie de qu'est-ce qu'ils disent dans cette excuse-là ou dans cet argument-là. Premièrement, ils prétendent que le système démocratique est meilleur que le système dictature. نقول لهم لا يستلزم منا أن نأخذ بالنظام الديمقراطي الكافر هروبا من الدكتاتوري لأنه عندنا البديل الأمثل وهو الإسلام لأنه عندنا البديل الأمثل وهو الإسلام الحنيف فما ينبغي أن يرد الباطل بالباطل بل الواجب أن يضحض الباطل بالحق. Donc le Cheikh il dit que premièrement on peut pas remplacer, ou c'est pas nécessaire pour nous de prendre le système démocratique qui est à la base un système de kufr pour s'enfuir d'un autre système comme le système dictatorial. Parce que nous on a l'alternative qui est la meilleure, c'est-à-dire l'islam, hein, la religion de Ibrahim, din Ibrahim, illat Ibrahim. Donc c'est-à-dire l'islam al-hanif, al-hanifiyya. Donc il faut pas refuter le faux par le faux. Qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de détruire le faux par la vérité, et c'est-à-dire par l'islam. Et donc il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui disent dans les pays musulmans on doit accepter la démocratie. Puis ils prétendent que la démocratie c'est meilleur que la dictature. Et puis ils prétendent que dans les pays musulmans, qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est que la dictature. Comme on a lu dans les paroles de Al-Qardawi la semaine passée, Al-Qardawi qui disait dans son livre Aulawiyat al-Harakat al-Islamiyya, الواجب على الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة أن تقف أبدا في وجه الحكم الفردي الدكتاتوري. Il dit c'est obligatoire pour le mouvement islamique dans les étapes qui vont suivre ou dans les étapes qui s'en viennent qu'ils se mettent toujours face ou en opposition avec le système individuel dictatorial. Donc ça c'est leur idée à eux. Et bien entendu, comme le cheikh l'explique, le système démocratique, c'est un système de kufr. Et comme certains, même certains kufars parmi les penseurs occidentaux, ils ont eux-mêmes dit que la démocratie, c'est une forme de dictature également. Sauf que c'est la dictature de la majorité. Tandis que la dictature, c'est dans un système dictatorial, c'est la dictature d'un individu seulement. D'accord? Un individu parmi d'autres. Et dans le système démocratique, c'est la majorité qui impose sa dictature par le vote et par les élections, tandis que dans le système dictatorial, eh ben, c'est les dirigeants ou un dirigeant qui impose sa dictature à lui. Donc dans un sens, c'est comme si dans la démocratie, les hommes se battent sur des lois faites par les hommes, c'est-à-dire par les lois qu'ils ont votées ou qu'ils ont établies par les parlements, et ainsi de suite. Tandis que dans la dictature, eh bien, c'est un individu en particulier qui va imposer sa loi et qui va juger selon une loi qu'il a inventée lui-même. Et donc, en réalité, c'est comme si tu veux imposer un système qui est faux et le remplacer par, ou bien tu veux remplacer un système qui est faux par un autre qui est faux également. Et donc, le chef, il dit lui, il faut pas faire changer le faux par le faux, mais plutôt il faut changer le faux par le vrai et utiliser la vérité pour détruire qu'est-ce qui est incorrect ou qu'est-ce qui est faux. Et de plus, moi je rajouterais par rapport à qu'est-ce que le cheikh a dit à ce sujet-là, comme on l'a déjà expliqué et comme le cheikh lui-même l'a expliqué dans des chapitres précédents, c'est que dans l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné et il nous a ordonné d'écouter et d'obéir aux dirigeants, même si ce dirigeant-là est un dirigeant injuste, dictateur ou bien un tyran, hein, et il nous a interdit de nous rebeller contre lui ou d'appeler les gens à la rébellion contre lui ou de faire des révoltes ou de prendre les armes contre le système ou contre le régime, même si c'est un système dictatorial ou injuste, hein. Et donc ça nous a indiqué que la foi de Ahlus Sunnati wal Jama'a, c'est justement de ne pas se rebeller, de ne pas se révolter. Donc ça vient en même temps clarifier la situation par rapport au fait que ceux qui disent que le système dictatorial est moins bon que le système démocratique, eh bien on dit nous en fait que même si le système dictatorial il a des fautes, mais la façon dont on doit le corriger et arranger les fautes qui sont dans ce système-là ou dans ce régime-là, ce n'est pas par la démocratie et ce n'est pas par la rébellion ou par les coups d'État ou les autres méthodes que ces gens-là utilisent. D'accord? Donc ça c'est yani juste pour dire. Et aussi parmi les coupables, il y en a qui parfois prétendent que l'islam est un système théocratique et que l'islam impose ou appelle à une théocratie. Et ça encore une fois c'est une fausse compréhension par rapport à l'islam, puisque une théocratie, ça veut dire que c'est une société ou un système dans lequel les lois sont inventées ou fabriquées par les hommes de religion ou les prêtres, hein, ou les évêques, ou les des religieux. Et ils prétendent qu'ils ont une autorité divine, et, ou bien qu'ils ont une révélation ou une inspiration, puis ils pensent qu'ils peuvent rendre halal ou haram en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est une autre forme de mettre des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation. Donc dans l'islam, c'est pas les hommes, les savants qui font les lois, qui rendent halal ou haram, mais c'est uniquement Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est par l'intermédiaire de la sharia, hein, par les textes de la révélation qu'on détermine ce qui qui est légal et ce qui est illégal, et non pas à partir des de qu'est-ce que des hommes décident ou jugent par eux-mêmes, par leur jugement. Donc ça c'est juste une autre clarification à ce sujet-là. Donc ensuite le cheikh dit wa thaniyan qawluhum inna an-nizam ad-demokratik qad furida alayna. Le deuxième point, c'est ils disent que le système démocratique nous a été imposé. Donc le cheikh dit wa naqulu lahum qala ta'ala فاتقوا الله ما استطعتم وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فإذا كان الحال ما ذكر فهذا شيء نعذر إن شاء الله عليه فقد أخرج الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. للشيخ الذي أو يدي والمطلوب منا أن لا نعترف تطوعا بشرعية الباطل وأن نرضاه أو نرضاه بقلوبنا لأن ذلك مستطاع لنا والله أعلم. للشيخ الإكسبليكسي الذي comme deuxième point, ils disent que le système démocratique, c'est un système qui nous a été imposé. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas choisi, on ne l'a pas choisi par nous-mêmes. C'est un système qui nous a été imposé par les gouvernements étrangers ou par les gouvernements occidentaux et qu'ils veulent nous forcer à l'appliquer. Et ça, c'est une réalité. Hein. Beaucoup des pays occidentaux, ils essaient de nous forcer ou de nous imposer à accepter ce système et cette idéologie-là. Toutefois, le cheikh il répond et il dit à ça, « Naqulu lahum » on leur dit à ces gens-là, « Craignez Allah comme le plus que vous le pouvez. »« Fattaqu Allah ma stata'tum » Ça c'est un verset dans le Coran, c'est le verset 16 dans surat At-Taghabun. « Fattaqu Allah ma stata'tum » Et un autre verset qu'il mentionne, c'est le verset 286, dans surat Al-Baqarah, Allah dit « La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha » La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ça veut dire Allah, il ne met pas sur une âme une charge qu'elle n'est pas capable de porter. Donc Allah, il ne met pas une charge qu'on n'est pas capable de porter. Et donc si quelque chose nous a été imposé, et qu'on n'a vraiment pas d'autre choix ou d'autre solution pour nous en échapper, et bien dans ce cas-là, on est excusé, comme le cheikh il dit. C'est qu'est-ce qu'on appelle al-ikrah, c'est-à-dire qu'on est contraint de le faire. Et dans le cas de la contrainte, lorsque quelqu'un nous contraint à faire quelque chose par la force, et bien on est excusé dans des cas pareils. Comme le cheikh il dit, donc si la situation est comme la personne le décrit, comme il dit que c'est quelque chose qui nous est imposé, et bien comme l'imam al-Hakim dans al-Mustadrak il a dit dans un hadith rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va passer par-dessus les erreurs, les oublis et les choses que ma umma a été contraint de faire. Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il va, il va passer par-dessus, dans le sens que il va pas tenir compte des péchés qui ont été faits par la Ummah ou des choses qui ont été faites par la Ummah, si c'est fait par erreur, ou si c'est fait par oubli, ou si c'est fait par contrainte, sous l'effet de la contrainte. D'accord? Donc ça c'est des points importants à comprendre. Après le cheikh il dit wal matloub minna, donc qu'est-ce qui est nécessaire de notre part, c'est de connaître la vérité, de connaître qu'est-ce qui est faux et de reconnaître en se basant sur les bases de la sharia qu'est-ce qui est vrai et faux donc si on reconnaît si on a la connaissance de notre religion et de ce qui s'oppose à notre religion, comme par exemple, on sait que la démocratie c'est quelque chose qui est contraire à l'islam et que c'est quelque chose de faux. Donc, si on nous l'impose, qu'est-ce qui est demandé de nous, c'est qu'on ne l'accepte pas dans notre cœur et qu'on n'en soit pas satisfait. D'accord? Parce que ça c'est quelque chose que même si par exemple quelqu'un nous impose quelque chose physiquement, hein, nous impose de faire quelque chose physiquement, mais que yani, dans notre cœur on est contre cette chose-là lorsqu'on le fait, et bien dans ce cas-là on est excusé. Toutefois, si on est satisfait de cette chose-là lorsqu'on le fait dans notre cœur, hein, et bien dans ce cas-là c'est sûr que on sera pas excusé dans un cas pareil. Dans le sens que si par exemple quelqu'un prend une arme et il le met au bord de ta tête et il te dit si tu te prosternes pas ou si tu te prosternes pas devant l'idole ou si tu insultes pas l'islam, je vais te tuer. Et que toi, dans ton cœur, tu es contre le fait de te prosterner à une idole et tu es contre le fait d'insulter l'islam. Mais tu le fais dans cette situation-là uniquement pour être épargné, hein, et pour sauver ta vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné aux gens qui font des choses pareilles sous la contrainte. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une personne qui est contrainte à faire quelque chose et qu'il fait, alors que c'est quelque chose qui est contraire à l'islam, mais elle le fait et elle est satisfaite de cette action-là dans son cœur ou de cette parole-là dans son cœur. Et bien dans ce cas-là, cette personne-là, elle n'est pas excusée puisqu'elle a agréé cette action-là et cette chose-là et elle est satisfaite de cette idée-là. Et donc dans ce cas-là, elle n'est pas excusée du fait qu'elle est contrainte puisqu'elle est satisfaite dans son cœur. Et les coupables ne sont pas capables de rentrer dans ton cœur pour te forcer à être satisfait ou non. Donc, toi, tu as quand même une indépendance et un contrôle sur qu'est-ce qui est dans ton cœur, dans le sens que si eux, ils veulent te contraindre à accepter quelque chose de faux, tu leur dis avec ta bouche que tu acceptes, mais dans ton cœur, tu es libre de le rejeter. Et donc, ça, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « إِلَّا مَنْ أُكْرِهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ » Donc, sauf ceux qui ont été contraints, alors que leurs cœurs sont en sérénité et en paix par rapport à la foi. Donc, ça c'est quelque chose qu'on est capable de faire, c'est-à-dire de rejeter le faux. Et ça nous indique encore une fois, comme je le redis, comme je l'ai déjà dit dans le passé, que ça nous fait comprendre l'importance de connaître la vérité et le faux. Hein? Que même si, par exemple, on sait que on est dans un pays non musulman, par exemple, ici, et que y a des choses qui sont contraires à l'islam et qu'on n'est pas capable d'appliquer de l'islam, le fait de le connaître et de le savoir, juste ça en soi, de savoir qu'est-ce qui est contraire à l'islam et de le comprendre, déjà ça c'est une ibada en soi, du fait qu'on va détester le mal et détester ce qui est contraire à la religion, même si on n'est pas capable de le changer, et même si on n'est pas capable de faire en sorte qu'on applique ce qui est obligatoire pour nous dans certains aspects de la religion. Toutefois, la personne qui est ignorante de ces choses-là, ou qui ne sait pas ce qui est contraire à l'islam, eh bien cette personne-là, elle ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans son cœur en détestant cette contradiction à l'islam, puisqu'elle pense que c'est quelque chose qui n'est pas contradictoire à l'islam. Et là, c'est dans ce cas-là qu'on voit la supériorité de la personne qui a la connaissance par rapport à celui qui n'a pas la connaissance. Il peut adorer Allah subhanahu wa ta'ala par la haine qu'il a de qu'est-ce qui s'oppose à sa religion. Le cheikh dit ensuite comme point numéro 16, « قالوا إن تحقيق الأحداث وصول حقوق المسلمين واجب ولا يتم تحقيق هذا الواجب إلا بالانتخابات البرلمانية فهي واجبة بناء على القاعدة المعمول بها ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Donc voici ce qu'ils disent ici. Ils disent que pour réaliser les buts et protéger les droits des musulmans, ça c'est qu'ils disent que ça c'est quelque chose d'obligatoire, de réaliser les objectifs et de protéger les droits des musulmans, c'est quelque chose d'obligatoire. Et on ne peut pas réaliser ça, on ne peut pas arriver à réaliser nos objectifs et à protéger les droits des musulmans, excepté par, qu'est-ce qui est obligatoire. Et pour eux, c'est les élections parlementaires. Donc ils disent que si dans ce cas-là, la seule manière par laquelle on peut atteindre nos objectifs et protéger les droits des musulmans, c'est les élections. Et donc ils disent que dans ce cas-là, c'est obligatoire de rentrer dans les élections. Et ils se basent sur une règle de fiqh qui est bien connue, une qa'ida fiqhiyya, qui dit « ma la yatimu al-wajib illa bihi fa huwa wajib ». C'est-à-dire que si quelque chose est nécessaire pour accomplir quelque chose d'obligatoire, si quelque chose est nécessaire, si tu as besoin de quelque chose pour accomplir quelque chose d'obligatoire, alors dans ce cas-là, cette chose-là, elle devient en elle-même aussi obligatoire. Hein? Si tu ne peux pas établir ou appliquer quelque chose d'obligatoire, excepté sans une chose en particulier, alors cette chose en particulier, elle devient elle-même obligatoire, même si à la base, elle n'était pas obligatoire en elle-même. Donc, eux, ils essaient d'utiliser cette règle-là pour dire on ne peut pas arriver à protéger nos droits sans la démocratie. Donc, ils disent que si c'est obligatoire d'appliquer la démocratie pour avoir nos droits, donc la démocratie devient en elle-même obligatoire. Et le chef, il répond à cet argument-là. Il dit « Al-jawabu ma an yuqal inna ma'na hadhihi al-qa'ida ay sabab inna ma'na إن معنى هذه القاعدة هو أي سبب مباح أصله يؤدي إلى واجب فالأخذ بهذا السبب المباح واجب أما السبب المحرم الانتخابات البرلمانية فلا يقول عالم بأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذا في الحقيقة جهل أو تجاهل أو وأحلاهما مر. Donc le cheikh il dit ici, celui qui dit que, il dit premièrement, la réponse à cet argument-là, c'est de répondre de la façon suivante. La vraie signification de cette règle qu'on vient d'expliquer, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, c'est pas comme eux ils l'expriment. La vraie définition de cette règle, c'est quoi? C'est toute cause qui est permise en elle-même, qui est nécessaire pour établir quelque chose qui est obligatoire, alors cette cause qui est permise, elle devient obligatoire elle aussi. Mais la condition pour qu'elle puisse être obligatoire, c'est qu'elle soit permise. C'est-à-dire que, supposons, Je vais vous donner un exemple pour essayer de vous faire comprendre, pour que ce soit plus clair. Tu veux faire la salat, hein? Faire le wudu, c'est une condition pour faire la salat. C'est pas obligatoire de faire le wudu quand c'est pas le temps de la salat. Hein? Quand c'est pas le temps de la salat, c'est pas obligatoire de faire le wudu. Non. Quand c'est pas la salat, c'est pas obligatoire de faire le wudu. Mais, du moment que tu veux faire la salat et que le temps de la prière est entré, là, le wudu devient une condition, c'est une condition pour pouvoir faire la salat. Donc, puisque tu peux pas faire ta prière, qui est obligatoire, sans faire ton wudu, alors le wudu en lui-même devient obligatoire à ce moment-là aussi. D'accord, ça c'est un exemple. Donc tout ce qui est une condition, tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire quelque chose d'obligatoire, ben il devient lui-même obligatoire même si à la base il n'était pas obligatoire. Donc par exemple ces gens-là, les chrétiens, ils disent on veut arriver à défendre les droits des musulmans. Et ils disent que donc dans ce cas-là, on va utiliser la démocratie c'est un moyen pour arriver à défendre le droit des musulmans. Le problème avec ça, c'est que ce moyen-là, c'est quelque chose qui est haram, d'accord? Donc tu n'as pas le droit de l'utiliser pour prétendre vouloir défendre les droits des musulmans. C'est comme par exemple, ça a rapport un petit peu aussi avec la question des moyens et des objectifs et des intentions. Hein. Tu peux pas passer par quelque chose de haram dans le but d'arriver à quelque chose de halal avec. Hein. Parce qu'il faut que le moyen que tu utilises pour arriver à ce halal soit, ou à cette obligation soit halal en lui-même. S'il n'est pas halal, dans ce cas-là, on ne peut pas l'utiliser. Donc, cette règle-là, elle est limitée, en fait, par le fait que le moyen que tu utilises pour arriver à faire cette obligation-là, il faut qu'il soit en lui-même mubah. Et ce n'est pas le cas de la démocratie. Donc, ça revient toujours à la même shubha que la shubha des moyens. Le cheikh dit « Amma sabab al-muharram kal-intikhabat » Donc, en ce qui concerne un moyen qui est interdit en lui-même, alors tu n'as pas le droit de l'utiliser pour arriver à ton objectif. Et celui qui dit ça, il a dit une parole d'ignorance. Ou bien il fait semblant d'être ignorant, ou bien les deux. Hein, et le plus sucré des deux est amer. Hein, ça, c'est une expression en arabe. Le plus sucré des deux est amer. Ouais. Le cheikh, il dit, comme 17e argument, et ça c'est le dernier point en fait, il n'y a pas d'autres arguments des hizbiyyin qui sont mentionnés dans le livre après celui-là, c'est استدلالهم على جواز التحالفات مع الأحزاب العلمانية من بعثية أو اشتراكية أو من نحى منحاهما بأدلة منها أولا تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود المعاهدة. Donc, ils disent comme argument numéro 17, ils essaient d'utiliser comme preuve quand ils font des alliances avec des groupes, des partis politiques laïcs ou des partis communistes ou socialistes, hein, ils font des alliances avec des partis de ces tendances-là, et puis ils essaient d'utiliser comme argument pour justifier ça le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, avait fait des alliances avec les juifs. Et le cheikh, il répond à cet argument-là en différents points. Donc on va lire ça ensemble. Le cheikh, il dit أولاً تحالف النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود معاهدة. Oui, c'est ça. Donc الجواب من ناحية ثبوتها. من ناحية ثبوتها قال شيخنا رضيع ابن هادي المدخلي هذه المعاهدة قد أوردها ابن هشام في السيرة وكذلك أوردها غيره بدون إسناد ولعل ما رد ذلك إلى قوة شهرتها التي تغني عن إسنادها مع أن كثيرا من فقراتها وردت في دواوين السنة في الصحيحين وفي الصحيحين من حديث جابر وأنس وما يدل على وقوعها قلت يؤخذ من هذا أن هذه المعاهدة لم يعرف لها سند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فرض ثبوتها ففيها دليل واضح على جواز المعاهدة مع غير المسلمين على التناصر بينهم وبين المسلمين والاستعانة بهم في قتال الكفار المعتدين. Le chef, il dit comme premièrement le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils disent que c'est un argument pour eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des alliances avec les juifs. Et c'est-à-dire qu'ils ont fait des pactes et des ententes. Et le chef, il répond, il dit premièrement sur le plan de l'authenticité de cette entente ou de ces pactes avec les juifs, il cite les paroles du chef Rabi' ibn Hadi al-Madkhali. Il dit que cette entente ou ce pacte qu'il y avait entre les musulmans et les juifs, ou entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs à l'époque, ont été rapportés par Ibn Hisham dans le livre de Sirah qu'il a écrit. Sirah Ibn Hisham, c'est un livre très célèbre au sujet de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que ça a été rapporté également par d'autres historiens ou par d'autres personnes qui ont rapporté ces événements-là sans isnad, c'est-à-dire il n'y avait pas de chaîne de narrateur ou chaîne de transmission pour rapporter ces histoires-là. Le cheikh dit toutefois qu'il est possible que la raison pour laquelle ces histoires-là ont été mentionnées sans chaîne de transmission, c'est à cause de leur popularité et de, du fait qu'elles sont répandues, elles sont très célèbres, ces histoires. Et donc, ça nous épargne d'avoir à mentionner leur chaîne de transmission, étant donné qu'elles étaient tellement répandues et connues. Et sans compter que, également, plusieurs des articles de ces ententes-là avec les Juifs ont été rapportés dans les textes de la Sunna, comme dans Sahihain, dans Sahih Bukhari et Muslim, dans des hadiths rapportés par Jabir et Anas. Et donc ça nous indique que ces choses-là se sont réellement produites. C'est-à-dire qu'il y a réellement eu des ententes et des pactes avec les Juifs à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté, et ça c'est tiré du livre de Cheikh Rabi' Sadd Udwan al-Mulshidin wa Hukm al-Isti'anati ala qitalihim bi ghayr al-Muslimin. Donc ça c'est un livre à ce sujet-là, et il a mentionné ça. Donc le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi, il fait un commentaire au sujet de la parole du Cheikh Rabi' et il dit, on peut tirer de cette citation-là du Cheikh Rabi' que ces ententes qui étaient faites avec les Juifs à l'époque, n'ont pas été rapportées la plupart par des chaînes de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais même si elles étaient vraiment authentiques, hein, et, étant donné que si on suppose qu'elles sont authentiques, et que c'est transmis de façon fiable, et bien dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a une preuve claire de la permission dans l'islam de faire des ententes de paix ou des contrats ou des pactes avec des non-musulmans dans le but de se porter de l'aide les uns les autres ou de se porter secours entre nous, c'est-à-dire entre eux et les musulmans, et de chercher leur aide dans la guerre contre d'autres koufars qui sont des koufars qui font de la transgression. C'est-à-dire qu'il y a une preuve dans ça qu'on a le droit de demander l'aide des koufars pour combattre d'autres koufars. Après le cheikh il dit comme deuxième point, إن بنود هذه المعاهدة تخالف مضمون التحالف الموجود بين الأحزاب السياسية. فمما تضمنته هذه المعاهدة ما ذكره ابن هشام في السيرة النبوية حيث قال وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو شجار يخافون فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف التحالف الذي بين الأحزاب السياسية فالمرجع عند الاختلاف هو التصويت والرأي الآخر والأخذ برأي الأغلبية وإن هذه وثالثا هذه المعاهدة ليس فيها تنازل عن أي أمر من أمور الإسلام وهذا بخلاف التحالف بين الأحزاب السياسية ففيها تنازلات كثيرة تقدم ذكر شيء منها فظهر من ذلك بطلان الاستدلال بهذه المعاهدة على جواز عقد التحالف بين الأحزاب السياسية. Donc le cheikh il dit comme pour expliquer qu'est-ce que j'ai dit à ce sujet-là comme deuxième argument, j'ai cité le deuxième et le troisième point, c'est qu'il montre les différences qui existent entre les ententes qu'il y avait entre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les juifs et les musulmans et les ententes qui se font aujourd'hui entre les partis politiques soi-disant islamistes et les partis laïcs et les partis socialistes ainsi de suite. Il n'y a aucune comparaison possible à faire entre ces deux formes d'alliance-là. Parce que, premièrement, ils disent par exemple que, le cheikh il dit que les articles de l'entente qui avaient été faits avec les juifs à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les différents, entre les musulmans et les koufars, quand on regarde dans Sirah, on voit que les articles étaient totalement différents. Parce que les partis politiques, aujourd'hui, quand ils font des partis politiques islamiques et qu'ils demandent de faire des alliances avec des partis socialistes ou des partis laïcs, eh bien, quand ils ont des divergences entre eux, ils jugent ou ils essaient de régler leurs différends en retournant au vote et en retournant à la majorité ou en retournant au principe de la laïcité. Tandis que, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est mentionné dans Sirat ibn Hisham, c'était mentionné que lorsqu'il y avait une dispute ou un désaccord entre eux et ils craignaient une corruption ou quelque chose de mal, ils avaient écrit dans les chartes, dans l'entente qu'ils avaient pris, parmi les articles qu'ils avaient mentionnés, il y avait comme condition qu'ils devaient retourner à Allah et à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en cas de divergence ou de désaccord. Donc ça, c'est une grande différence entre les pactes qu'il y avait entre yani à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque actuelle, les gens, comment ils font des ententes avec les kuffars et ils ont des conditions dans lesquelles ils retournent au jugement du Tawhid au lieu de retourner au jugement de l'islam. Donc il n'y a pas de comparaison à faire entre ces deux formes de pacte et d'entente là. Et le cheikh il dit également que les ententes aussi, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait des ententes, il n'y avait pas de compromis qui était fait sur les principes de l'islam. Contrairement aux pactes et aux ententes et aux alliances qui sont faites avec les kuffars entre les partis islamistes et les partis laïcs et socialistes et autres, ces partis-là, quand ils font des alliances entre eux, eh bien, ils forcent les partis islamistes à faire plein de compromis dans la religion et des choses qui même demandent à des musulmans, ils demandent à ces partis islamistes-là de même laisser passer des choses qui rentrent dans des aspects d'opposition totale avec l'islam. Et donc, on voit clairement ici la fausseté de leur argument lorsqu'ils prétendent qu'ils se basent sur l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses ententes et dans ses pactes avec les juifs de son époque. Après, le cheikh dit, wa thaniyan, hilf khuza'a ma'a rasul sallallahu alayhi wa sallam. Comme deuxième exemple aussi, il se base sur l'entente et le pacte qu'il y avait entre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et Khuza'a. Khuza'a, c'était une tribu, hein, une autre tribu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une entente avec eux. Et le cheikh, il répond à cet argument-là. Il dit, Al-Jawab, qila innahum muslimun, wa bihada tubtilu da'wa. Wa thaniyan, ala fard annahum mushrikun, fahuwa ta'aqudun ala al-munasarati wa ta'awun fi al-harb wa al-silm. وثالثا إن هذا التحالف كان نتيجة لضعف الحاصل في صفوف المسلمين ورابعا اختلاف مضمون ما يقوم عليه التحالف الآن عن مضمون حلف خزاعة فبنود اتفاقية الأحزاب السياسية سبقت الإشارة إليها أما بنود حلف خزاعة فلم يكن فيها تنازل عن حق ولا رضا بباطل فظهر بطلان هذا الاستدلال. Le cheikh il dit, deuxièmement, que, bon, pour répondre à la question de l'alliance avec Khuza'a, il dit premièrement, on dit que, certains ont dit que ce sont des musulmans, que Khuza'a c'était une tribu musulmane. Donc, on peut refuter tout de suite cet argument-là en mentionnant le fait que c'était des musulmans. Deuxièmement, si on prétend que, ou on suppose que ce sont des kuffars, des mushrikines, il faut mentionner que cette entente avec eux était uniquement une entente pour le fait qu'ils se portaient en secours les uns les autres et ils s'aidaient dans les questions de guerre et de paix. Donc ça se limitait à des questions de guerre et de paix. Et après, le chef, il dit que, comme troisième point, ces formes d'alliance étaient faite à cause d'une faiblesse qui était dans les rangs des musulmans à l'époque, que les musulmans étaient faibles et donc ils ont eu recours à ce genre d'alliance-là. Et quatrièmement, il y a, comme on a expliqué pour le premier point de l'alliance avec les juifs, il y a une différence aussi à ce sujet-là ici, c'est que les alliances, les articles de l'alliance qui étaient faites, ou de l'entente qui était faite avec Khuza'a, ils n'avaient pas parmi les articles, il n'y en avait aucune qui venaient en opposition avec les fondements de l'islam pour dire qu'on devait, par exemple, faire des compromis ou laisser tomber quelque chose de vérité ou être satisfait de quelque chose de faux et donc d'être en opposition avec les fondements de la religion musulmane. Contrairement aux gens qui font des genres d'alliance avec les kuffars et les mushrikines aujourd'hui et qui vont en opposition avec les principes et les fondements de Al-Wala ou Al-Bara et qui donc s'unissent entre eux avec des kuffars et des mushrikines sur des principes qui sont totalement en contradiction avec le tawhid et les fondements de l'islam et qui disent aux kuffars par exemple comme des groupes à Montréal et ailleurs en Europe aussi, ils disent non, nous sommes d'accord avec vous sur la démocratie, nous sommes d'accord avec les kuffars sur la laïcité, nous sommes d'accord avec les kuffars sur les droits de l'homme, l'égalité entre l'homme et la femme et tous ces principes-là sans aucune clarification, sans aucune restriction, sans aucune limite. Et donc de dire les choses de cette façon-là, c'est absolument, bien entendu, c'est absolument faux. Ensuite il dit ثالثاً جوار المطعم ابن عدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف دخل مكة في جوار المطعم والجواب لم يكن فيه تنازل واحد وأن ذلك كان في حالة الضعف وعدم النصير المؤازر. Donc le cheikh il dit comme troisième exemple le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était rentré sous la protection de Mut'am ibn Adi. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Taif, il est rentré à Mecca sous sa protection. Alors la réponse à ce sujet là c'est quoi? Ça veut dire que Mut'am ibn Adi il est rentré à Mecca avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a dit j'offre je donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam ma protection, je ne permets à personne de le toucher. Hein? Donc c'était un mushrik et il a donné la protection au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse à cet argument-là, c'est que premièrement, il n'y avait aucun compromis dans cet événement-là ou dans cette situation-là, il n'y a aucun compromis là-dedans. Deuxièmement, c'était une situation de faiblesse dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam était et il n'avait personne pour le supporter ou le défendre à l'époque et donc il n'y a rien qui est contraire à l'islam dans cette activité-là ou dans cet événement-là et on ne peut pas comparer ça avec ce que font les partis islamistes aujourd'hui lorsqu'ils s'allient avec les partis socialistes et avec les partis communistes. Et c'est comme vous pouvez voir actuellement, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans les manifestations pour la Palestine et des choses de ce genre, vous allez voir que les manifestants qui marchent dans les rues, ils le font au nom des associations comme par exemple Unité Palestine, Juif Palestine, l'Union Juive Palestine, ils font des associations comme ça, ou les Palestiniens Juifs Unis, il y a des associations qui s'appellent comme ça, Juifs et Palestiniens Unis. Il y a aussi des associations qui participent aux manifestations avec les autres organisations palestiniennes, comme par exemple les groupes qui sont des groupes communistes, il y a des groupes socialistes, il y a des groupes anarchistes même, athées anarchistes, qui vont marcher contre Israël avec les gens qui vont soi-disant au nom de l'islam marcher dans les rues. Il y a aussi des groupes de toutes les tendances qui vont marcher avec eux. Et même que, je ne sais pas si c'était à Calgary ou quelque part dans une des villes au Canada, il y a même un groupe d'extrême droite raciste qui est même parti marcher avec les manifestants dans les marches pour la Palestine, ils sont allés participer avec les autres manifestants. Et c'est pour ça, c'est ça le malheur, c'est que ces gens-là, ils s'allient avec, ces islamistes, ils s'allient avec n'importe qui, même avec les Rafidah, les Shia Rafidah, ils vont marcher avec eux, avec Hezbollah et d'autres groupes comme ça. Hein? Donc c'est pour dire qu'ils font des alliances avec n'importe qui et ils s'allient avec n'importe qui et et en fait c'est des alliances qui détruisent, qui viennent détruire en réalité ce qu'ils essaient de construire eux-mêmes. Donc c'est pas logique pour quelqu'un qui prétend vouloir établir l'islam de s'allier avec des gens qui eux veulent la destruction de l'islam, et que tu penses que toi tu vas marcher avec eux pour une cause, alors que eux, ils prétendent vouloir eux aussi aider cette cause-là, alors qu'ils sont contre la cause la plus importante de, parmi ces causes-là, c'est-à-dire la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment tu peux t'allier avec ceux qui veulent justement opposer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et marcher avec eux? Donc ça c'est des exemples comment ces partis islamistes-là, ils sont en train de faire des compromis justement à cause de leur attitude contradictoire. Parce que lorsqu'ils s'allient avec ces gens-là par la suite, ils ne peuvent plus dire la vérité, puisqu'ils craignent de blesser les sentiments et les émotions de leurs alliés parmi les koufars, et ils vont même pas par la suite oser même dire le mot koufar, parce que justement ils sont alliés avec eux, ils vont dire ben, on peut pas les traiter de koufars, ce sont nos alliés, et donc ils vont détruire leur da'wah en réalité par la suite, parce que s'ils veulent appeler au tawhid et à l'islam, et qu'ils ne peuvent pas distinguer entre qu'est-ce qui est kufr et qu'est-ce qui est iman, et ben comment ils vont appeler les gens à la ilaha illallah et à Muhammad Rasulullah sans faire ces distinctions-là, c'est impossible. Donc comme quatrième exemple, et c'est le dernier exemple que le Cheikh mentionne ici, c'est l'exemple de Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de al-Hudaybiyah, l'entente qu'il y avait eu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam entre les musulmans et les mushrikines de Mecca. Le Cheikh il répond à cet argument-là et il dit al-jawab lam yakun fi sulh al-hudaybiyya tanazul jawhari kahal al-muhalifin ma al-ahzab fa mimma ja'a fihi buddila ar-rahman ar-rahim wa kutiba bismika allahumma amma adam kitabati rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa laysa fihi dalil ala annahu yunfi ar-risala yunfi ar-risala an nafsihi بل قال والله إني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كذبتموني أكتب محمد ابن عبد الله. نعم. Ça c'est le premier point. Le Cheikh dit la réponse à cet argument là qu'ils utilisent. Premièrement, quand on regarde l'entente qu'il y a eu, l'entente de paix avec les mouchriquins dans l'entente de Al-Hudaybiyah, il n'y a pas eu aucun compromis dans les fondements de l'islam. Contrairement à la situation dans laquelle on retrouve les partis islamistes aujourd'hui, qu'ils font des compromis dans les fondements de la religion musulmane et dans les principes même qui sont à la base de l'islam et du tawhid. Donc ça, on ne retrouve pas ça dans Sulh al-Hudaybiyah, et l'exemple par exemple que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait le pacte avec eux, il avait écrit Bismillahir Rahmanir Rahim, et les mouchriquins s'étaient objectés, et ils ont dit non, écris pas Bismillahir Rahmanir Rahim, on ne connaît pas Ar-Rahman. Donc ils ont dit, on ne veut pas reconnaître Ar-Rahman, donc écris plutôt Bismika Allahumma, c'est-à-dire en ton nom, ô Allah. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'accord, au lieu d'écrire Bismillahir Rahmanir Rahim, il a écrit Bismika Allahumma. Donc c'est la même chose en réalité, sauf que étant donné qu'il ne voulait pas accepter Ar-Rahmanir Rahim, il a écrit Bismika Allahumma. Donc il n'y a pas vraiment de compromis là-dedans, puisque c'est équivalent, c'est la même chose. Ensuite, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a écrit Rasulullah, lorsque Ali avait écrit, en fait c'était Ali ibn Abi Talib qui écrivait, et il avait écrit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la part du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins se sont objectés encore une fois, ils ont dit non, si tu étais le messager d'Allah, si on croyait que tu étais le messager d'Allah, eh bien on ne t'aurait pas combattu, donc écris pas messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce cas-là, il a dit par Allah, je suis le messager d'Allah, même si vous me traitez de menteur, écris Muhammad fils de Abdullah, fils de Abdullah. Donc ça c'était pour dire que le fait qu'il écrivait par exemple يعني محمد بن عبد الله ça veut pas dire qu'il nie qu'il est le messager d'Allah, donc il n'y a pas de compromis là non plus. Et le Cheikh il dit comme deuxième point, ما وقع في المصالحة كان فيها مصلحة راجحة ألا وهي تعظيم حرمة الله وإعطاء وقت يقدر بعشر سنوات لدعوة الناس إلى دين الله، فإن هذا من التحالفات التي تنصر وترسخ الديمقراطية والتعددية الحزبية، وبعد هذا وبعد فهذا استعراض لمجمل شبه الدعاة الانتخابات تم بحمد الله وتوفيقه تم تفنيدها من كتب وأشرطة أهل العلم. Donc le Cheikh il dit comme deuxième point que il y a eu un grand bienfait dans cette entente là qu'il y avait entre les musulmans et les mouchriquins à l'époque. Et parmi ces bienfaits-là, il y a qu'on a eu le respect des droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que les musulmans étaient capables par la suite de pratiquer leur religion avec la liberté, avec plus de liberté. Et non seulement ça, mais c'est que pendant 10 ans, ils ont été capables de faire la da'wah et d'enseigner aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à la fin, on a vu les conséquence de ça, ça a été qu'il y avait eu vraiment une grande propagation par la suite de l'islam parmi les mouchriquins et que le nombre des musulmans avait augmenté, donc beaucoup de gens sont rentrés dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un bien. Et si on regarde, on compare avec les alliances que les chiites font avec les partis socialistes ou les partis laïcs et les autres partis démocratiques, on compare ce qu'ils font comme alliance avec eux, et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait comme alliance avec les mouchriquins, ou comme pacte ou entente avec eux, et on voit qu'il n'y a aucune comparaison dans les conséquences et dans les bienfaits de ces deux formes de pacte et d'alliance-là. En comparant les deux, on voit tout de suite que c'est le contraire chez les Hizbiyyins aujourd'hui, puisque le Cheikh il dit, où est-ce que tu vois dans les alliances que ces gens-là font aujourd'hui, où est-ce que tu vois qu'ils viennent défendre et qu'ils viennent aider la cause de l'islam? Il dit, c'est le contraire qu'on remarque aujourd'hui, qu'ils viennent plutôt ancrer encore plus fort et donner le support encore plus à la démocratie et au multipartisme, hein, et non pas à l'islam. Donc c'est ça qui est malheureux, c'est qu'ils défendent plus le système démocratique que l'islam, et ils défendent plus le multipartisme que l'islam. Donc c'est ça qui est malheureux. Et donc le Cheikh il dit, on a complété maintenant la réfutation de la plupart, ou des plus importantes, parmi les choubahs que ces gens-là utilisent pour appeler à la démocratie, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par la suite, donc par son succès, on a détruit et réfuté leurs arguments en se basant sur les livres et les cassettes des savants de l'islam. سَمِعَ لَهَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمِ الرُّجُوعِ إِلَى نُورِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَفَهْمِهِمَا بِفَهْمِ سَلَفِنَا الصَّالِحِ فإن الحق لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق فاعرف الحق تعرفه تعرف أهله ولله در القائل فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق يأبى الفتى إلا اتباع الهوى ومنهج الحق له واضح. Donc il dit pour terminer que ces gens-là n'ont pas d'autre choix maintenant que de revenir à la lumière du Coran et de la Sunna et de leur compréhension par la compréhension des salaf salih, parce que la vérité, on la reconnaît par elle-même, c'est-à-dire on ne reconnaît pas la vérité par les hommes, mais on reconnaît les hommes par la vérité. J'espère que ça a été clair pour les points ou la réfutation des arguments de ces gens-là. Maintenant, le Cheikh il a mentionné par la suite quelques points qui ont deux points par la suite qui ont rapport avec le sujet. Le premier point qu'il mentionne, c'est dans Al-Fasl al-Rabi', c'est Al-Badil, c'est-à-dire l'alternative. C'est le point numéro 4 dans le chapitre numéro 4, et c'est pas très long. Et ensuite, le point numéro 5, c'est le verdict au sujet de la personne qui appelle ou invite à la démocratie. Qu'est-ce qu'on dit à son sujet? Donc on va essayer de compléter ces deux points-là, Inch'Allah, pour terminer ce cours-là. Puis après, il y a la discussion au sujet des arguments de Abdul Majid Al-Zindani dans deux cassettes qu'il a fait. Al-Fasl al-Rabi' al-Badil. ما البديل إذن؟ قال الألباني كلمة سهلة البديل ولسهولتها يلجأ إليها ضعفاء الناس الذين ابتلوا بالابتعاد عن هدي القرآن والسنة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والبديل هو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا شك أن تقوى الله تطلب أولا عملا نافعا وثانيا عملا صالحا علما نافعا وثانيا عملا صالحا مقرونا بالعلم النافع والعودة إلى الإسلام فهما وعملا. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم. فهل البديل يكون بتغيير أحكام الله والانتماء إلى مجالس لا يذكر فيها اسم الله بل تحارب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il répond ici, il dit au sujet de la démocratie, quand on a fini maintenant de réfuter leurs arguments, on peut, ils posent toujours la même question, ces gens-là ils ont l'habitude de poser cette question, mal badil ilan, c'est-à-dire, quelle est le badil, c'est-à-dire l'alternative. C'est quoi l'alternative? Vous avez chez certains individus, parmi les hizbiyyin, ce mot-là pour eux, il est très très facile. Et donc c'est pour ça que le cheikh il mentionne justement cet exemple-là. Il dit que le cheikh al-Albani, il a dit, la parole alternative, c'est une parole très facile à dire, et qu'il y a beaucoup de gens parmi les faibles, hein, parmi les musulmans, qui sont éprouvés, hein, qui ont eu le malheur, qui sont éprouvés par ce malheur, du fait qu'ils se sont éloignés de la guidance du Coran et de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et al-Badil, l'alternative pour ces gens-là, par rapport à la démocratie, et par rapport à toutes sortes d'autres choses, c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parce que Allah est dit dans le verset 2 dans Surah At-Talaq, et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue facile. Et donc, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça demande de nous deux choses. Première chose, d'avoir la science bénéfique. On doit connaître, avoir la connaissance qui est bénéfique, la connaissance de l'islam, et de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et des règles de la religion. Et deuxièmement, ça demande de nous des bonnes œuvres, c'est-à-dire la science qui est bénéfique et l'application de cette science et l'action selon cette science. Et qu'on retourne à l'islam dans sa compréhension et dans son application également. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 8 dans Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit « In tansur Allah yansurkum » c'est-à-dire si vous aidez Allah subhanahu wa ta'ala dans sa cause, Allah subhanahu wa ta'ala va vous donner son secours, il va vous aider. Donc est-ce que l'alternative de l'islam ou l'alternative est-ce que l'alternative à la démocratie va venir dans le fait qu'on va changer les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on va rentrer dans des assemblées où on ne mentionne même pas le nom d'Allah et où on fait la guerre au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est tiré de la cassette du Cheikh Al-Albani qui s'intitule « Le danger de la participation dans les élections ». « Khatar al-musharaka fi al-intikhabat ». Donc ça c'est pour expliquer à ce sujet-là. Et il dit, il cite ensuite les paroles de Cheikh Ali Hassan ibn عبد الحميد الحلبي يزيد تعليقا على كلمة البديل يدان un commentaire au sujet de la parole ou du mot alternative. Il dit لا نقول البديل كما نسمعه دائما من الفكريين المعاصرين الذين أحدثوا أشياء كثيرة في الدين بزعم أنها البديل فتراهم يقولون بنك إسلامي أناشيد إسلامية ومسارح إسلامية وهكذا إلى متى سنظل قابعين في كهوف التبعية والتقليد ننظر حولنا ونقلد غيرنا فإذا رأينا شيئا مخالفا للدين سارعنا لإيجاد البديل له في الدين مستخدمين في ذلك شتى أساليب التحايل والتمييع وتتبع الرخص والزلات l'islam. Donc en fait c'est ça, c'est que la façon que ces gens-là, dont ces gens-là procèdent parmi les hasbiyyin, c'est que lorsqu'ils trouvent chez les koufars quelque chose qui les a plu, qui leur a plu et qui les a éblouis, ils essaient de courir pour essayer de trouver quelque chose pour le remplacer qui va être soi-disant islamique. Et donc comme le Cheikh Ali Hassan ici il dit comme commentaire à cette parole de soi-disant l'alternative, il dit on ne dit pas au sujet de l'alternative comme les penseurs contemporains ont inventé beaucoup de choses dans la religion en prétendant que ce sont des alternatives, comme tu les vois dire les banques islamiques, les anachides islamiques, les spectacles islamiques. Hein, donc ils ont toutes sortes de trucs comme ça. Maintenant ils ont les maillots de bain islamiques, ils ont les quoi d'autre encore, ils ont la démocratie islamique. Donc ils essaient de faire tout ce qu'ils trouvent chez les koufars, les choses qu'ils aiment chez les koufars, ils vont essayer de faire ça, une version islamique de ces choses là hein. Ils vont avoir maintenant si ça continue de la bière islamique hein, peut-être même ils vont avoir d'autres choses encore, des discothèques islamiques comme ils ont essayé de faire ça au Soudan. Hein, les discothèques islamiques. Donc c'est pour dire yani comment quand les gens par exemple ils se détournent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils essaient de suivre les koufars dans toutes choses, et c'est ça ce que le Cheikh Ali Hassan nous dit ici. Jusqu'à quand on va continuer à rester pris dans les cavernes de l'aveuglement et de suivre les gens de façon aveugle. Hein, chaque fois qu'on voit des gens qui font des choses contradictoires à l'islam, on se précipite pour essayer de faire apparaître quelque chose pour être son alternative islamique, hein, en utilisant différentes formes de ruses, hein, et en suivant toutes sortes d'excuses et de prétextes, hein, et en suivant les fautes et les erreurs de certains savants pour essayer de rendre halal des choses qui sont haram à la base. Donc ça c'est des exemples de qu'est-ce qu'on retrouve chez ces gens-là malheureusement. كَمَا لَا يَخْفَ عَلَى الْمُوَفَّقِ وَهَذَا كَمَا لَا يَخْفَ عَلَى الْمُوَفَّقِ مُنَاقِدٌ لِأُصُولِ ضَوَابِطِ الشَّخْصِيَّةِ الإسلامية في استقلالها ووضوحها فديننا والحمد لله يدفعنا إلى العمل والدعوة في ضوء الكتاب والسنة وليست مخالفات واقعنا هي الحادثة لنا على ذلك فتأمل فليضم اصطلاح البديل إلى المناهي اللفظية. Donc il dit ici que c'est clair, hein, y a pas de, c'est pas quelque chose qui est caché pour la personne qui a atteint le succès, et il comprendra donc que le fait d'appeler à ces genres d'alternatives c'est en opposition avec les fondements et les principes qui établissent la personnalité d'un musulman dans son indépendance et dans sa clarté. Parce que notre religion, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle nous pousse vers l'action et vers le fait d'appeler les gens à la lumière du Coran et de la Sunna. Et donc, nos contradictions dans notre vie actuelle, dans notre réalité actuelle, donc qu'est-ce qu'on voit des choses qui sont inventées donc c'est-à-dire, c'est pas ça qui détermine nos réalités et notre situation, notre personnalité. On ne doit pas suivre les autres dans ce qu'ils veulent faire. À chaque fois qu'ils font quelque chose parmi les koufars, on veut nous faire sa version et rajouter islamique en avant pour essayer de le rendre halal. Donc il dit qu'on devrait rajouter le terme alternative aux interdictions dans les expressions et les termes. On ne devrait pas l'utiliser du tout. Donc le Cheikh ici par la suite il met des longues citations de certains parmi les shuyukh à ce sujet-là, sauf que je ne vais pas les lire ces citations-là, puisque c'est des choses qu'on a déjà lues, des choses qu'on a déjà expliquées durant les réfutations qu'on a lues jusqu'à maintenant, donc ce serait de la répétition, donc on va passer par-dessus, jusqu'à maintenant on va parler du verdict. Qu'est-ce qu'on dit de la personne qui appelle à la démocratie? Hein, on a dit que la démocratie c'est kufr. Maintenant, est-ce que la personne qui appelle à la démocratie ou qui croit au système démocratique parmi les musulmans, est-ce qu'on dit qu'il est kafir ou non? Donc ça c'est une question très délicate, qu'on doit bien comprendre comme il faut parce que c'est quelque chose de dangereux justement. Donc le cheikh, on va terminer avec ça le cours d'aujourd'hui. Le cheikh il dit Al-Fasl al-Khamis, حكم من نادى بالديمقراطية. إن الحكم على من نادى بالديمقراطية حكم يحتاج إلى نوع من التأني والتريث ثم التفصيل لأنه من الخطورة بمكان إصدار حكم مجمل غير مفصل في مثل هذه القضية فأقول مستعينا بالله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه أما الحكم على المعين بأنه كافر أو مشهود له بالنار فهذا يقف على الدليل المعين فالحكم يقف على ثبوت شروطه وانتفاء موانعه فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ غلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. Donc le cheikh ici il explique que en fait il cite une parole de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami dans Al-Sifat Al-Ilahiyya, il dit de juger au sujet de la personne qui appelle à la démocratie, c'est un jugement et un verdict qui demande c'est-à-dire il faut pas prendre ça à la légère, il faut vraiment pas se précipiter là-dedans, hein, parce que c'est un sujet très très dangereux d'établir un verdict général ou un verdict qui est, disons, global, qui n'est pas détaillé au sujet d'une question pareille. Et donc le cheikh il dit, pour clarifier ça, il dit je demande donc avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dis, il commence par une citation de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Donc le Cheikh il cite ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, le volume 12, à la page 498 et 501, jusqu'à 501. Ibn Taymiyyah il explique à ce sujet-là, il dit, quand on fait un takfir, quand on déclare que quelque chose est kufr, et qu'on dit que c'est kufr, ça c'est un jugement qui est général. Ou bien si on fait une menace, et on trouve une menace qui est générale, dans ce cas-là, on doit le dire d'une façon générale, nous aussi. Donc, par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala, il explique dans le Coran que quelque chose est kufr, ou bien que quelque chose, si quelqu'un le fait, il mérite l'enfer, donc nous, on doit affirmer cette chose-là aussi, et on doit croire en cette chose-là de façon générale également. Mais il faut faire la distinction justement lorsqu'on fait un jugement sur un individu en particulier. Et lorsqu'on dit que cet individu-là en particulier, il est kafir, ou qu'on juge que, ou on témoigne qu'il est en enfer, il dit ça dans ce cas-là, pour arriver à faire un jugement sur cet individu-là en particulier, il faut tomber sur une preuve qui est particulière à son sujet. Donc dans ce cas-là, le cheikh il dit que le verdict, pour arriver à l'établir sur cette personne, il faut l'établir avec des conditions et éliminer toutes les objections ou les empêchements qui pourraient faire en sorte qu'on ne puisse pas appliquer ce verdict-là sur cette personne ou sur cet individu-là en particulier. Et donc, c'est pas, il n'appartient à personne de déclarer un musulman de kafir, même s'il fait une erreur, hein, jusqu'à ce qu'on ait été établi, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ait établi la preuve contre ce musulman-là et qu'on ait clarifié les preuves à cette personne, parce qu'on ne peut pas enlever de quelqu'un sa foi ou nier sa foi, excepté avec une preuve qui est qui a atteint le niveau de la certitude, parce que on ne peut pas faire sortir de l'islam quelqu'un en se basant sur des doutes. Si quelqu'un, on est convaincu qu'il est musulman, on ne peut pas le faire sortir de l'islam par un doute qu'on a sur sa foi. Il faut que la chose qui nous pousse à le faire sortir de l'islam soit quelque chose qui soit une preuve de certitude, hein, qui soit établi sur des preuves et ça doit être fait après qu'on ait établi yani, toutes les preuves contre cette personne-là et qu'on ait éliminé tous les doutes et tous les obstacles et les objections et les empêchements qui pourraient nous empêcher de les appliquer sur cette personne. Ça, c'est des principes et des points très très importants. Et donc, ça, pour résumer tout ce que le cheikh ici il a dit dans cette citation-là, c'est que il y a le verdict au sujet de l'acte ou de la croyance ou de l'idée de dire que c'est un acte de kufr, et de dire d'une façon générale que celui qui croit en cette idée-là, il est kafir. Ça, c'est un verdict qui est général, qui n'est pas spécifique ou particulier. Donc ça, de le dire de cette façon-là, c'est correct, et c'est obligatoire de le faire. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on dit par exemple que toute personne qui croit en la démocratie est kafir, qu'on va déclarer kafir tout individu si on le trouve en train de le dire ou de le faire. Pour pouvoir appliquer le verdict contre cette personne-là en particulier, comme le cheikh l'a expliqué, il faut avoir appliqué contre cet individu-là les preuves et éliminer tous les empêchements. Et on sait très bien que la question de la démocratie, c'est une question qui est très vaste et très détaillée en même temps. Et donc ça veut dire que la plupart des gens aujourd'hui parmi les musulmans qui appellent à la démocratie ou qui invitent les gens à la démocratie, la plupart d'entre eux ne savent même pas ce que signifie le mot démocratie lui-même, et ils ne savent même pas en quoi la démocratie est en opposition avec l'islam. Et non seulement ça, mais c'est que souvent ils utilisent le mot démocratie, mais ils ne veulent pas dire la même chose que ce que les koufars veulent dire par l'utilisation de ce terme. Et donc dans ce cas-là, on ne peut pas juste les déclarer koufars parce que le fait qu'ils utilisent le terme ou qu'ils invitent les gens à ce terme-là de cette façon. En tant qu'individu, on ne peut pas le faire sur le plan individuel ou personnel, puisqu'il faut, comme on a expliqué, établir, ça nécessite quoi? Ça nécessite en fait que cette personne-là, en fait, soit, disons qu'on ait débattu avec cette personne-là la question et qu'on ait établi contre lui toutes les preuves et éliminé tous les empêchements, comme par exemple l'ignorance, la confusion ou toutes sortes d'autres empêchements qui pourraient faire en sorte que cette personne ignore ou ne comprenne pas, par exemple, la réalité de la mécréance qui existe dans cette idée-là, par exemple. Donc c'est assez compliqué en fait, comme on peut le voir. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Shawkani à ce sujet-là. Et l'imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit « I'lam anna al-hukum ala rajul al-muslim bi khurujihi min din al-islam wa dukhulihi fil kufr » لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما وهكذا في الصحيح وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما من دعا رجلا للكفر أو قال عدو الله أو قال عدو الله ليس كذلك إلا حار عليه أي رجع وفي لفظ الصحيح فقد كفر أحدهما. إمام الشوكاني إلزي رحمه الله sache que le verdict lorsque tu dis à propos d'un musulman qu'il est sorti de la religion de l'islam et qu'il est rentré dans la mécréance, c'est quelque chose qui ne doit pas être fait par un musulman qui croit en Allah et au jour dernier. C'est-à-dire quelqu'un qui croit au jour dernier et en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas faire sortir un musulman de l'islam et le faire rentrer dans la mécréance, excepté s'il ramène une preuve qui est plus claire que le soleil du jour. Plus claire que le soleil du jour. Parce que c'est rapporté dans ce hadith authentique, selon le nombre des sahaba qui ont dit, celui qui dit à son frère, ô toi le kafir, alors cette parole va retomber sur un de ces deux-là. Ça c'est rapporté dans un hadith sahih. Et dans un autre hadith, dans al-Sahihain, rapporté dans al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui appelle un homme en lui disant qu'il est par le kufr, ou bien qui appelle un homme en disant ennemi d'Allah, alors si c'est pas le cas, ça va revenir sur lui. C'est-à-dire ça va revenir sur celui qui l'a dit. Et dans une autre narration aussi, dans le Sahih, dans un hadith Sahih, ça dit ça va revenir sur un des deux, ou bien qu'un des deux a mécru. Une citation de Cheikh Ibn Taymiyyah encore une fois qui dit وَمِنْ عُيُوبِ أَهْلِ الْبِدَعِ تَكْفِرُ بَعْضِهِمْ لِبِبَعْضِ ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون لا يكفرون فإذا فهمت ذلك وتحققته فاعلم أن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا فهو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها توحيده وحده لا شريك له وهذا مضاد للإيمان من كل وجه. ابن تيمية رحمه الله للشيخ الدي parmi les défauts des gens de bid'a c'est qu'ils se déclarent les uns les autres des kuffars. Et parmi les choses par lesquelles on glorifie les gens de science parmi les gens de la sunna c'est qu'ils se déclarent. Ou quand quelqu'un fait une erreur, ils disent que tu as fait une erreur, mais ils ne déclarent pas kafir quelqu'un. Donc si tu comprends une chose pareille, donc tu vas savoir que le kufr qui fait sortir quelqu'un de l'islam et qui fait que quelqu'un devient un mécréant, c'est le fait qu'il a rejeté ou qu'il a mécru en quelque chose qui est connu de ce qui vient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou qui vient d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, par opposition et par rejet et par arrogance ou négation, comme par exemple les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs et ses actions et ses règles, et à la base bien entendu son tawhid hein, de l'unifier lui seul et de ne, et qu'il n'a pas de, de partenaire. Et donc, ça, celui qui fait ça, il a opposé la foi de tous les points de vue. Ça, c'est tiré de, du livre, des citations d'un chef qui mentionne les paroles d'Ibn Taymiyyah dans son livre Manhaj Ahl al-Haqq wal-Ittiba' fi mukhalafati Ahl al-Jahl wal-Ibtida'. Et pour terminer, on va lire les paroles de Saïd ibn Abd al-Azim. Il dit: ونحن حين نقول عن الديمقراطية هي منهج وثني كفري فليس معنى ذلك أننا نكفر كل من نادى بها، ذلك أن المتكلمين المنادين بها يتفاوتون تفاوتا عظيما فيما بينهم، فمنهم الذي يرددها بلسانه وهو يصلي ويصوم ينادي بتطبيق حكم الله في كل مجالات الحياة، ومنهم من ينطق ويرددها كالببغاوات ويظن أنه يحسن الصنعة لكونه أحسن التلفظ والنطق بها، ومنهم من يرى أنه يسدي جميلا ويقدم خدمة للإسلام. خدمة للإسلام عندما ينادي بالديمقراطية ويسميها ديمقراطية إسلامية، ومن هؤلاء من يظن أن الديمقراطية هي الشورى الإسلامية، وكل هؤلاء جهال بحقيقة هذه الكلمة وما تنطوي عليه، ومن منادين بها من هو من عتاة المجرمين الملحدين، فكيف يؤخذون حكما واحدا وأحوالهم على هذا النحو من الاختلاف؟ قلت: والكلام عن حكم من نادى بالديمقراطية كالحكم على من نادى بالديمقراطية، والكلام عن حكم من نادى بالانتخابات كالحكم على من نادى بالديمقراطية، لأن الوسائل لها حكم المقاصد، والله أعلم. Donc les paroles de l'imam, les paroles du Cheikh Saïd Abdul Azim, il dit ici que lorsqu'on dit que la démocratie c'est un système et un manhaj de païen, ou qui est un manhaj d'idolâtrie et de kufr, on veut pas dire par là que toute personne qui appelle à la démocratie est nécessairement un mushrik ou un kafir, bien entendu, parce que certains parmi eux ont différents degrés entre eux, hein. Certains parmi eux, ils appellent à la démocratie, ils le répètent avec leur langue, ils prient, ils jeûnent, ils demandent l'application de la charia dans tous les aspects de la vie. Parmi eux, ils le répètent juste comme des perroquets, ils ne savent même pas qu'est-ce que ça signifie, et ils le disent juste parce qu'ils savent bien le prononcer. D'autres, ils le disent et ils pensent qu'en faisant ça, ils font quelque chose de bien en appelant à ça, et ils pensent qu'ils vont servir la cause de l'islam en appelant à la démocratie. Il y en a même qui l'appellent démocratie islamique. Et parmi eux, il y en a qui s'imaginent que la démocratie c'est la Shura. Et parmi eux, il y en a d'autres égarés aussi, parmi les ignorants, qui sont clairement opposés à l'islam, des athées qui ne croient en rien et qui appellent à la démocratie. Donc, si on trouve que les gens qui utilisent ce mot-là, ils ont toutes ces divergences-là entre eux, et bien ça indique quoi? Ça indique qu'on ne peut pas faire un verdict unique au sujet de tous les gens qui appellent à la démocratie. Donc il faut distinguer entre les individus et entre les catégories, et savoir que parmi ces groupes-là, il y en a qui sont excusés par leur ignorance, et il y en a d'autres qui sont, bien entendu, vraiment des koufars, comme par exemple ceux qui sont les athées et qui rejettent l'islam, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet, dans le même verdict. Donc le chef ici, il dit que la parole au sujet du verdict de celui qui appelle aux élections, c'est le même verdict que celui qui appelle à la démocratie elle-même, puisque les élections c'est un moyen, hein, parmi les moyens de la démocratie, et dans la charia il y a une règle qui dit que les moyens, ils ont le verdict de leurs objectifs. Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, on a terminé ce chapitre, on a terminé tout ce qui a rapport avec ça. Et donc c'est ça, ceux qui demandent qu'est-ce que c'est l'alternative pour la démocratie, bien on leur répond que c'est de craindre Allah subhanahu wa ta'ala et c'est d'appliquer l'islam et la charia. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Donc, on va s'arrêter ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayhi.